Bonjour, une petite vidéo vite faite sans préparation. Bon, là il y a un paquet d'affaires là, assez surprenantes, assez surprenantes. Bon, le supramental, j'en ai souvent parlé, il y a une différence entre le milieu, le phénomène social et tout ce qui se développe de connexe et le phénomène. Donc, comment est-ce qu'on peut faire jusqu'à un certain point de différence? Ben, entre autres par le langage. Par la parole. C'est vraiment la parole qui est la clé. C'est vraiment la parole qui est la clé. Prenez Aurobindo. Il avait dit à un moment donné, ça viendra d'en haut. Ça viendra d'en haut. Ça, c'était révolutionnaire pour un Indien. Quelqu'un d'un petit peu lié à la pensée hindoue, mais qui avait étudié dans des universités occidentales, pour d'aller dire une affaire de même. Là, après, ben, il y avait Bernard, il répétait, il l'a dit, ça viendra d'en haut. Ça viendra d'en haut. Pourtant, on entend que les forces descendantes seraient là au niveau où je parle d'une vision spirituelle polarisée. Il y en a qui vont considérer que les forces descendantes sont mauvaises puis les forces montantes sont bonnes. Alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Ce qui monte, c'est ce qui caractérise l'involution. Pendant des millénaires, il y en a qui se sont exercés à ce qu'on a appelé la montée de la Kundalini. Ça fait partie de l'évolution de l'âme, ça fait partie de l'involution, donc. Puis, ça fait partie aussi, à mes yeux, du passé de l'humanité, d'un présent aussi. Mais il y a des êtres involués, involutifs. Donc, la montée de la Kundalini, c'est bien important pour eux autres. Alors que ce qui vient d'en haut, notamment le supramental, ça va débloquer les centres. Par un chemin totalement contraire. Un petit peu ce qui est décrit, vous savez, là, les langues de feu, là, la Pentecôte, ça ressemble, c'est pas mal supramental. On voit, c'est plus de la spiritualité, là, à mes yeux, un phénomène comme ça, mais la montée de la Kundalini, des affaires de même. Bon, ben, ça fait partie des lois psychomagnétiques polarisées de l'âme, comme le yin-yang, ces choses-là. Il y a un paquet de choses que je ne me suis jamais attardé, tout simplement parce que j'avais pas la vibration, tout simplement. C'est de suivre une vibration, hein? C'est pas au niveau d'un processus mental que je vais prendre des décisions par rapport à ce que je vais étudier ou pas. C'est vrai que par le passé, ça arrivait des fois quand j'étais dans une nouvelle ville, je m'inscrivais à la bibliothèque municipale, puis je lisais tout ce qui m'intéressait, tout ce qu'il y avait d'un petit peu intéressant. Puis au bout d'un an, un an et demi, j'avais lu tout dans la bibliothèque de ce qui m'intéressait, là. Mais je ne l'ai jamais lu avec attention, je lisais en diagonale. En diagonale. Pourquoi? Ben, à cause que je suis au courant que les structures prépersonnelles, puis comment ça fonctionne, et puis fait que finalement, souvent je lisais quelque chose, puis je m'en souviens pas à mesure. Mais tout d'un coup, quand j'ai besoin de l'information, ça me revient. Donc des fois, ça arrive, il y a certaines choses qui me reviennent. Prenez la cosmogonie d'Urantia. Je n'ai jamais ressenti la vibration de lire ça. De toute façon, quand j'avais regardé combien ça coûte, c'est très cher, c'est très cher. Puis un soir, j'ai demandé, c'est quoi la cosmogonie? Puis là, d'un coup, je voyais quelque chose. D'un coup, je voyais quelque chose. Je l'ai pris en note à l'époque. Je l'ai pris en note pour m'en rappeler, m'en souvenir, parce que c'était trop complexe. Donc moi, ma cosmogonie, c'est ça ici. Mais ça, c'est pas de vos affaires. Dans le sens que je peux le donner en exemple comme quoi que oui, il y a des affaires que je vais capter, mais que je ne rendrai pas publiques. Parce que je considère que c'est pour moi. Puis je n'ai pas à parler de ça. Je trouve pas ça. Ça serait pas intéressant de toute façon. Puis bon, il y en a qui trouveraient ça intéressant. Mais il reste que c'est mieux pas. Il y a des affaires, je vais garder ça pour moi. Je vais garder ça pour moi. Au niveau, par exemple. La sensibilité. C'est là, au niveau du langage, on va le voir. Si vous êtes dans le psychologique, si vous êtes dans le spirituel, on va le sentir au niveau du langage. Parce que la spiritualité puis le psychologique, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Donc, ça va avoir les termes du cheminement. Tandis que le phénomène d'intégration spontanée, c'est un processus. Puis, c'est pas du tout le même langage. Il y a aussi, bon, oui, il y en a, ils vont se débloquer les centres, mais pas en descendant, non, entre autres, là. Bon, ben moi, je vous dirais que ça, même s'il y a une grande sensibilité, Il y en a, je pense, qui se sont ouverts les centres par de la drogue. Je pense que c'est par la drogue qu'ils se sont ouverts les centres. Puis, je dirais que ça se reconnaît. Je dirais que ça se sent. Aussi, là, des fois, on va remarquer un regard vide, mort. Ça ne trompe pas, ça. Si à un moment donné, j'ai eu un certain intérêt pour Daniel Kemp, avant de me rendre compte que peut-être, oui, il avait eu certaines dérives par rapport à ce que moi, je considère comme des phénomènes spiritoïdes, ce qui est quelque chose dans lequel je déconseille de s'en aller, mais de ne pas s'engager. Mais s'il y a une chose qui fait que j'avais eu un intérêt pour Daniel Kemp, notamment, c'est parce que juste par les photographies, on le sent, hein, c'est au niveau des yeux. Le regard. Mais il reste que, bon, je pense pas que Daniel Kemp s'était ouvert les centres par de la drogue. Quoique, tout est possible, c'est bien possible. Même Bernard de Montréal, ses études en anthropologie au Nouveau-Mexique, en plein dans les années où c'était à la mode. Ah, des fois, il y a des accidents entre guillemets. Mais il reste que j'ai tout le temps gardé la même opinion par rapport aux psychédéliques. J'ai tout le temps eu les mêmes par rapport au cheminement spirituel, les vieilles traditions involutives, que ce soit teinté d'hindouisme ou de taoïsme, peu importe. Dans le fond, faut pas non plus se leurrer, puis penser que on voit pas. J'ose même plus aller dans ma boîte courriel. Pourquoi? Parce que je suis devenu presque le bureau des plaintes du supramental, puis que j'en avais plein le cul. Je vais y retourner à un moment donné, là, mais par rapport à des gens qui font de la consultation, qui font des séminaires, puis finalement, quand les gens vivent une mauvaise expérience, ils viennent après m'écrire, ils se plaignent à moi. Puis quand les témoignages se recoupent à un moment donné, bon, on finit par avoir une petite vision d'ensemble. On se doute que... Ouais. Donc, les chicanes de clocher, ça me dérange pas. Ça me fait pas peur non plus. Savez-vous pourquoi? Parce que j'en ai pas de clocher, j'ai pas de structure à protéger, puis ça a jamais été une profession pour moi. C'est juste un exercice. Entre autres, mais d'arrêter de penser qu'on est dupe, puis de faire attention. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, on va dire que ça va faire. Bonne soirée.